T'as pris des pertes, tu veux me faire la guerre, yeah. Mon cœur te mettra à chaud, notre mon cœur te mettra à chaud, notre mon cœur te mettra à chaud. De toi promenade et tu me croyais mort, mort. Mon cœur te mettra à chaud, notre mon cœur te mettra à chaud, notre mon cœur te mettra à chaud. Y'a pas de hasard, y'a pas de rêve. Mon cœur te mettra à chaud, notre mon cœur te mettra à chaud, notre mon cœur te mettra à chaud. Je relève les comptes et tu dois des taux. Mon cœur te mettra à chaud, notre mon cœur te mettra à chaud, notre mon cœur te mettra à chaud. Pas la perle rare, pas niquer ta mère, j'emmerde le rap. C'est ma queue des keufs, appelle l'arabe. C'est ma queue métal, le métarabe. Pourquoi sont-ils mauvais? Il faut les voyous, mais sans lover. Je laisserai jamais partir en paix. Dans le premier bâtiment B, là, je suis sorti, ça part de là. Dédicace à lui, là, tous mes braves. Qui m'ont dit la prime, perso, tu traves. Récupère de la rue, mais rien plus grave. Va donc surveiller ta soeur, la chaîne. Tout le monde est chaud, ce soir, il gèle. Gros, n'en va plus, c'est ça que j'aime. Et qu'à tout à tout, car il me tire sa chenec. Oui, oui, je dédicace, celui-là, c'est Bikin. Oui. Perpètre des homicides. Oui. Tu peux garder toutes tes salopes. T'en as peur avec mon missile. Oui. On a les vrais bonhommes avec nous. Oui. Mais qu'est-ce que tu te brises avec vous? Oui. Tous les hommes meurent, mais peuvent vivre vraiment. Vous discutez, je parle avec vous. T'as pris des têtes, tu veux me faire la guerre, yeah. Mon cœur te mettra à chaud. Notre mon cœur te mettra à chaud. Notre mon cœur te mettra à chaud. De toi promenade et tu me croyais mort. Mort. Mon cœur te mettra à chaud. Notre mon cœur te mettra à chaud. Notre mon cœur te mettra à chaud. Y'a pas de hasard, y'a pas de rêve. Mon cœur te mettra à chaud. Notre mon cœur te mettra à chaud. Notre mon cœur te mettra à chaud. Je relève les comptes et tu dois des taux. Notre mon cœur te mettra à chaud. Notre mon cœur te mettra à chaud. Notre mon cœur te mettra à chaud. J'fais pas dans le détail, calque intégrale, une grosse bécane. Bang bang bang, la crème du wham. Pas diplomatie, j'suis une racaille. Eh ouais, à taille, regarde le drapeau. Couleur bleue sans couleur trapante. T'as fait sa vie, passant braquant. Dormi dans les hôtels de Monaco. Bref, ce sont tous des chiens qui aboient. Les gens leur niquent leur mère et y'a toi. Mon accord, je t'aide, commence par toi. Connard, je veux te voir te rentrer, tais-toi. Écoute et tais-toi. La fond, c'est bâtard. Fais-moi le tuyau, j'attache au Qatar. On a passé là, c'est faire des bâtards. Cousin, salut ta mère, j'rentre au placard. Des chiffres, des chats au parloir. T'as deux qui me prennent de barbe par moi. Des milliers de têtes remplissent mon armoire. Les vrais qui me font du blanc, c'est à moi. Je ne suis haï que chez les faux. Je suis sorti tôt, les gros, chez les gros. Seul pour la route et je roule sur le gros. Aimé par les pros, aimé par les gros. T'as pris des têtes, tu veux me faire la